vécu dans mon époque où c'est travail, crève entre les deux consommes. C'est l'égoïsme qui dirige nos rêves, qui se déciment. On dessine des mauvaises routes du mal, on est devenus les disciples. Prisonniers des temps modernes, là où les mecs se shootent aux drogues artificielles. On se détruit sans artifice, difficile de garder le sourire. Une époque glauque, garde la force, trace ta route, méfie-toi des autres. Beaucoup de gens rêvent de te voir tomber. Si tu montes, c'est ta chute qu'ils vont espérer. La jalousie enseignée dès l'école, on t'apprend à aimer tout ce que t'as pas, formaté dans des codes, dans un mode de vie qui pousse à la faute, à la longue. C'est la fleur de notre perte qu'on arrose. Une époque où on banalise le divorce, les antidépresseurs, les ladyboys, désobéissance civile et on traitera de casseurs. Certains pratiquent la délation pour gonfler leur solde bancaire. Prisonnier des temps modernes, prisonnier, j'avance dans un pays où mon pote, je me sens emprisonné. Ils nous ont coupé la parole, dépendant du sexe et des dollars, et ils nous shootent à la drogue et à l'alcool. Prisonnier des temps modernes, prisonnier, j'avance dans un pays où mon pote, je me sens emprisonné. Ils nous ont coupé la parole, dépendant du sexe et des dollars, et ils nous shootent à la drogue et à l'alcool. Enfermé dans ma bulle comme James, j'ai le mal de vivre. Le monde me fait gerber tellement que j'en lâche des litres. Les mots sur la feuille, je les délivre. Le système nous prend pour des clébards, je pourrais en faire un livre. Je suis prisonnier dans l'ascenseur social, bloqué au rez-de-chaussée. On a tenté de monter, mais on s'est craché. Je tourne en rond dans ma pioule, comme dans une cellule vide. Le bonheur en vitrine, j'ai eu la gaule, je me suis vidé. Le cerveau téléguidé par une télé de gueudin. On va tous finir cinglés, c'est ça le monde de demain. À l'heure actuelle, tu vas au taf pour une paye à la con. Chacun trim pour sa gueule, je te parle de celle du patron. Prisonnier des temps modernes, je pars en promenade dans mes rêves. On m'a parlé de condi, regarde la baffe sur mes lèvres. Dépendant dans ce monde du sexe et des lots, jamais tu me verras su, c'est pour la gagne, je préfère la lose. Prisonnier des temps modernes, prisonnier, j'avance dans un pays où mon pote, je me sens emprisonné. Ils nous ont coupé la parole, dépendant du sexe et des dollars, et ils nous shootent à la drogue et à l'alcool. Prisonnier des temps modernes, prisonnier, j'avance dans un pays où mon pote, je me sens emprisonné. Ils nous ont coupé la parole, dépendant du sexe et des dollars, et ils nous shootent à la drogue et à l'alcool. Prisonnier des temps modernes, mon pote, yeah. À cette époque où le mal est banalisé, même commercialisé, yeah. On est gouverné par l'argent. Prisonnier des temps modernes, okay. Yeah. Je mate par le carreau, le temps se gâte dehors. C'est comme si j'étais derrière les barreaux, j'attendais la mort. Impuissant dans ce delbord, tout petit dans le décor. Là-haut, les politocars nous font la danse des portes. Dès le départ, t'es tout seul, t'es bébard, t'es tout seul. Et tu trouves pas des potes en le recherchant sur Google. Ils ont menotté nos rêves, qu'on soit des esclaves, c'est ce qu'ils veulent. Tu te lèves, tu vas au taf, tu payes et tu fermes ta gueule. Les valeurs sont dead, l'argent dans nos têtes. Ici, c'est du taf, tu racks et tu fermes ta gueule. J'ai dû me tromper d'époque où je suis sur une autre planète. Je te mets bien. Et dans le vrai, quand on veut te mettre la disquette, une puce dans le téléphone et dans la CB, mon petit. La femme de tes rêves, tu pourras l'acheter sur eBay. Une culture faite sur Vista, un monde de barge. Faut que je me barre vite, file-moi un visa. Prisonnier des temps modernes, prisonnier, j'avance dans un pays où mon pote, je me sens emprisonné. Ils nous ont coupé la parole, dépendant du sexe et des dollars, et ils nous shootent à la drogue et à l'alcool. Prisonnier des temps modernes, prisonnier, yeah. Prisonnier. Yeah, Vegas et Scribe, S1 PTOMS.